tu es en bonne compagnie. Ici tu pourras écouter de la musique pop, de la musique asiatique, du jazz, du chill out. Hidalgo FM, la musique qui te rafraîchit.